pages arrachées à Lewis Carroll. Troisième épisode, à la recherche d'une Alice perdue. Lettre à ses amis enfants, 1864-1897. Enregistré sans public à l'Espace Cardin le 24 novembre 2018. En 1885, Alice reçoit une lettre signée Charles Ludwig Judson. Elle ne s'appelle plus Lidl, mais Hargreaves. Elle a 33 ans et lui 53. Le jour de leur première rencontre, le révérend avait 6 fois son âge et maintenant il n'en a même pas le double. Charles écrit à son Alice. Depuis votre temps, j'ai eu des 20aines d'amis enfants. Mais avec vous, ce fut tout différent. Différent, bien sûr, puisqu'Alice a inspiré l'un des contes les plus célèbres de notre temps et a donné naissance indirectement à des personnages inoubliables. Mais à toutes ses autres amies enfants, Mary MacDonald, Lily MacDonald, Dinfna Ellis, Maggie Cunningham, Dolly Argyles, Edith Jebb, Agnès Hughes et tant d'autres jusqu'à la mystérieuse Mademoiselle E, à toutes ses amies, Charles Dodgson, parfois épaulé par Lewis Carroll, a écrit pendant plus de 30 ans des lettres qui, mises bout à bout, pourraient composer un vaste récit fait d'inventions, de fables, d'énigmes et de non-sens. Il les photographie, il fait tourner pour elles des lanternes magiques, il invente des jeux ou renouvelle les règles du croquet. On suppose parfois qu'il cherche auprès des Mary et des Maggie à renouveler le prodige de sa première rencontre. Peut-être. Toujours est-il qu'il lui arrive de faire le voyage jusqu'à Eastbourne, là où les enfants se retrouvent en été comme des oiseaux migrateurs, afin de renouveler son carnet d'adresses. Louise, Annie, Lucy, Margie, Dora, Hélène, Maud, Mabel, Violette, Rose, Nelly et tiens, encore une Alice. Mais, comme l'écrit Lewis Carroll à l'une de ses amies le 18 décembre 1879, je dois mettre fin à la présente lettre. Sinon, il ne me restera plus assez de temps pour vous en écrire d'autres. À Mary MacDonald. Christchurch, Oxford, le 23 mai 1864. Ma chère enfant, il a fait ici une chaleur tellement épouvantable que j'en fus, jusqu'à ce jour, affaibli au point de ne presque pouvoir tenir un porte-plume. Et eussé-je même été capable d'en tenir un, il n'y avait pas d'encre. Elle s'était volatilisée en formant un nuage de vapeur noire, et dans cet état, elle n'a dès lors cessé de flotter à travers la pièce, maculant murs et plafonds, de telle sorte que j'ose à peine les regarder. Aujourd'hui, il fait plus frais, et un peu d'encre sous forme de neige noire a réintégré l'encrier. Il y en aura bientôt assez pour que je puisse reprendre la plume afin de commander ces photographies que votre maman désire. Cette canicule me contrarie et m'attriste beaucoup. J'ai parfois de la peine à garder mon sang-froid. Par exemple, à l'instant même, l'évêque d'Oxford est venu me voir. C'était de sa part une attention des plus civiles, et il n'y mettait pas malice, le pauvre homme. Mais j'ai été si fort contrarié de le voir entrer chez moi que je lui ai jeté à la tête un livre qui, je le crains, a dû lui faire grand mal. Nota bene, ceci n'est pas tout à fait vrai, vous n'êtes donc pas obligé de le croire. Ne soyez pas trop pressé la prochaine fois de croire autrui. Je vais vous dire pourquoi. Si vous vous efforcez de croire tout ce que l'on vous raconte, vous allez fatiguer les muscles de votre esprit. Et alors vous serez si débilité que cela vous mettra hors d'état de croire aux vérités les plus élémentaires. Pas plus tard que la semaine dernière, un de mes amis s'est efforcé de croire à l'histoire de Jack le tueur de géants. Il y est parvenu, mais au prix d'une dépense d'énergie telle que lorsque je lui eus dit qu'il pleuvait, ce qui était vrai, il fut absolument incapable de m'en croire et se précipita dans la rue sans chapeau ni parapluie. En conséquence de quoi, ses cheveux furent sérieusement mouillés et une de ses boucles mit près de 2 jours à retrouver sa forme correcte. Nota bene, je crains fort qu'une partie de ce que je vous raconte là ne soit pas tout à fait vraie. Voulez-vous dire à Greville que je m'occupe de son portrait, celui qui doit être inséré dans le cadre ovale, vous voyez, auquel je fais allusion, et que j'espère le lui envoyer d'ici un jour ou deux. Dites aussi à votre maman que je suis au regret de lui faire savoir qu'aucune de mes sœurs ne viendra à Londres cet été. Présentez mon bon souvenir à votre papa et à votre maman, pour vous et les autres petits-enfants, toute mon affection. Charles L. Dodgson. La seule chose fâcheuse qui me soit arrivée vendredi dernier, tenez-vous-le pour dit, ce fut de devoir vous lire. À Mary MacDonald. Christ Church, le 14 novembre 1864. Ma chère Mary, il était une fois une petite fille qui avait un vieil oncle grognon que ses voisins avaient surnommé le gris goût. Sans doute en raison du goût qu'en sa vêture il montrait pour la couleur grise. Et cette petite fille avait promis de recopier pour le dit oncle un sonnet que Mr. Rossetti a écrit sur Shakespeare. Or, imaginez-vous qu'elle n'en faisait rien, de sorte que le nez du pauvre homme ne cessait de croître dans le sens de la longueur et son moral de décroître dans le sens de la hauteur. Tandis que les courriers succédaient aux courriers sans qu'aucun sonnet ne se manifestât. J'ouvre ici une parenthèse afin d'expliquer comment l'on expédiait les lettres en ce temps-là. Il existait alors des boîtes que l'on appelait boîtes alertes, parce qu'elles parcouraient le pays en tous sens avec beaucoup de célérité. Donc, si l'on désirait envoyer une lettre à quelqu'un, tout ce que l'on avait à faire, c'était de placer cette lettre dans une boîte alerte qui se dirigea dans la direction souhaitée. Même s'il arrivait parfois que la dite boîte changeât d'avis en cours de route, ce qui ne manquait pas d'avoir des conséquences fâcheuses. Cette façon d'expédier le courrier s'appelait la mise en boîte. On faisait tout très simplement en ce temps-là. Si l'on avait beaucoup d'argent, on le disposait en pile à côté de soi et l'on pouvait dès lors dormir sur ses deux oreilles. C'était ce que l'on appelait mettre de l'argent de côté. Et voici la façon dont on voyageait en ce temps-là. On s'asseyait à califourchon sur le manche d'un de ces râteaux appelés rails que l'on utilise dans les salines, et dans cette position, l'on se faisait traîner au fil de l'eau par un domestique. On appelait cela voyager par rail. Revenons à la vilaine petite fille. Un grand loup noir sur 20, et je préfère ne pas poursuivre. Toujours est-il que l'on ne retrouva rien d'elle, à l'exception de 3 petits ossements. Je m'abstiens de tout commentaire. Par elle-même, cette histoire est suffisamment horrible. Affectueusement vôtre, c'est elle, Dodgson. À Mary MacDonald. Le 5 décembre 1864. Ma chère Mary, j'aurais dû vous écrire plus tôt pour vous remercier du sonnet. N'allez surtout pas imaginer que je n'en ai rien fait. Je vous ai même écrit des centaines de lettres. Là où les difficultés ont commencé à se faire jour, c'est lorsqu'il s'est agi de vous dépêcher les dites lettres. Au début, je vous les ai dépêchées avec une violence telle qu'elles ont outrepassé de très loin le lieu de leur destination. Certaines d'entre elles ont été ramassées jusqu'au fin fond de la Russie. La semaine dernière, il s'en est fallu de très peu que je n'en misse une dans le mille. J'ai bel et bien réussi à tracer sur son enveloppe Hurst Race Kensington. J'ai seulement un peu forcé sur le numéro et écrit 12 000 au lieu de 12. Si vous allez vous enquérir de ma lettre au numéro 12 000, je suis certain qu'on vous la remettra. Ensuite, ma santé a laissé beaucoup à désirer et j'ai dépêché mes lettres si mollement que l'une d'elles a tout juste réussi à atteindre le bout de la pièce. Elle gît présentement sur le parquet, non loin de la fenêtre. J'ai l'intention d'aller passer quelques jours dans la capitale avant Noël et de vous rendre visite quelques minutes tout au plus, une après-midi. À Dolly Argyles. Christchurch, Oxford, le 28 novembre 1867. Chère Miss Dolly, J'ai un message à vous transmettre de la part d'un de mes amis, Mr. Lewis Carroll, qui est un écrivain de bizarre sorte et un peu trop enclin à écrire des histoires sans queue ni tête. Il m'a dit que vous lui aviez un jour demandé d'écrire un second ouvrage pareil à un livre de lui que vous avez lu et dont j'ai oublié le titre. Je crois qu'il y était question de malice. Dites-lui, m'a-t-il recommandé, que je viens d'écrire un petit conte et que je lui en ai fait expédier un exemplaire. Fort bien, lui ai-je répondu, est-ce là tout votre message ? Dites-lui aussi, a-t-il ajouté, tandis que des larmes ruisselaient le long de ses joues, que j'espère qu'elle n'a pas été fâchée de m'entendre proférer des plaisanteries stupides à propos de son patronyme. Il m'arrive, vous le savez, de dire des bêtises parfois, tout le temps ai-je rectifié, et au cas où elle en eût été fâchée, que j'espère en son pardon désormais. Là-dessus, ses pleurs se sont mis à tomber sur moi en pluie. J'ai omis de vous dire qu'il me parlait d'une fenêtre du dernier étage de sa maison. Et, attendu que j'étais trempé comme une soupe, je lui criai « Cessez sur le champ de m'arroser ainsi, ou je ne lui transmettrai aucun message. » Il rentra donc la tête et referma la fenêtre. « Si vous avez un quelconque message à lui faire parvenir, je vous conseille de me l'envoyer à moi, personnellement. Très sincèrement vôtre, Charles L. Dutchen. » À Isabelle Standen. Les Châtaigniers, Guilford, le 22 août 1869. Ma chère Isabelle, bien que n'ayant eu le plaisir de vous fréquenter que 15 minutes durant, comme il n'y a dans Reading personne que j'ai connu aussi longtemps, j'espère que vous ne verrez pas d'inconvénient à ce que je vienne vous y importuner. Avant de vous rencontrer, hier au jardin, j'ai acheté quelques vieux livres dans une boutique de Reading. Je les y ai laissés en disant que je reviendrais les prendre, et je n'ai pas eu le temps de repasser par là. Je n'ai même pas retenu le nom de la boutique, mais je peux vous dire où elle se trouvait. Et si vous connaissez le nom de la femme qui tient la dite boutique, et voulez bien l'inscrire dans le blanc que j'ai laissé sur cette note, et lui envoyer la dite note, je vous en serai très obligé. Un de mes amis, qui se nomme Mr. Lewis Carroll, me dit avoir l'intention de vous envoyer un livre. C'est un de mes amis les plus chers. Je l'ai connu toute ma vie. Nous avons le même âge. Et je ne l'ai jamais quitté. Naturellement, il était avec moi au jardin, à moins d'un mètre de moi, tandis que je dessinais pour vous ces puzzles. Je me demande si vous l'avez vu. Votre ami de 15 minutes, c'est L. Dodgson. À Mary MacDonald. Christchurch, le 6 février 1873. Baiser à Lily et tous mes meilleurs vœux pour le bonheur qu'elle a d'atteindre l'âge de 21 ans. Un très jeune âge, me semble-t-il, personnellement. Eh bien, l'an dernier, j'ai eu le double de l'âge qu'elle avait alors. Et une fois, il m'est arrivé d'avoir le triple de son âge, mais je vous laisse le soin de deviner à quel moment cela s'est produit. Ce sera un charmant casse-tête arithmétique pour ceux qui aiment ce genre de problème. Baisers à tous. Votre toujours affectionné, C. L. Dodgson. À Béatrice Hatch, 1873. Ma chère Birdie, je la rencontrais marchant d'un pas raide devant Tom Gate, et je crois bien qu'elle essayait de trouver le chemin de mon appartement. Je lui demandai donc « Pourquoi êtes-vous venue ici sans Birdie ?» Elle me répondit alors « Birdie est partie, Emily est partie, et ma belle n'est pas gentille avec moi. » Et deux petites larmes de cire se mirent à couler le long de ses joues. Mais suis-je bête ? Je me suis abstenue jusqu'à présent de vous dire de qui il s'agissait. Il s'agissait de votre nouvelle poupée. Très heureux de la voir, je l'ai fait monter jusqu'à ma chambre où je l'ai régalée de quelques allumettes bougies et d'une tasse de délicieuse cire fondue. Car après sa longue promenade, la pauvrette avait grand faim et grand soif. Puis je lui dis « Venez vous asseoir auprès du feu et causons tout à notre aise. » « Oh non, non !» me répondit-elle. « Je préfère de beaucoup m'en abstenir. Je fonds, vous le savez bien !» Et elle me contraignit de l'emmener à l'autre extrémité de la pièce où il faisait un froid terrible. Et finalement, Elle s'assit sur l'un de mes genoux et se mit à s'éventer avec un essuie-plume en déclarant craindre que le bout de son nez n'eût commencé de fondre. « Vous n'avez pas la moindre idée des précautions que nous autres poupées, il nous faut prendre, » dit-elle. « Ainsi le croirez-vous, j'avais une sœur qui un jour s'est approchée du feu pour s'y chauffer les mains et une de ses mains s'est détachée et est tombée par terre sur le champ. « Bien sûr, » répliquai-je, « si l'une de ses mains est tombée sur le champ, elle est forcément tombée par terre, puisque le champ se trouve par terre. « Mais, » répondit la poupée, « si le champ se trouve par terre, comment pouvez-vous prétendre que c'est la main détachée qui est tombée sur le champ ?» À quoi je répondis, « la main est tombée sur le champ par terre, parce que la terre du champ se trouve forcément répandue par terre sur le champ. » La poupée riposta alors, « Vous ne me faites pas rire. C'est un très mauvais jeu de mots que vous avez fait là. Ma parole, même une vulgaire poupée de bois en ferait de meilleur que celui-ci. Et d'ailleurs, on m'a fait une bouche si pincée et si dure que je ne saurais rire, quand bien même je m'y appliquerais de toutes mes forces. » « Ne vous fâchez pas pour autant, » répondis-je. « Mais dites-moi ceci. J'ai l'intention de donner à Birdie et aux autres enfants, à chacune, une photographie, en leur laissant le choix. Laquelle pensez-vous que Birdie va choisir ?»« Je ne sais pas, » répondit la poupée. « Vous feriez bien d'aller le lui demander vous-même. » Sur quoi je l'ai ramenée en fiacre chez elle. Votre ami affectionné, Lewis Carroll. À Julia et Ethel Arnold, 1874. Quels enfants remarquablement méchants vous faites! Je ne pense pas que l'on trouverait dans l'histoire tout entière, même si l'on remontait au temps de Néron ou d'Héliogabale, aucun exemple d'enfant aussi dépourvu de cœur et aussi insouciante en ce qui concerne la restitution à leur prêteur des livres de compte. À présent que j'y songe, ni Néron ni Héliogabale n'ont jamais manqué de restituer un seul livre de compte par eux emprunté. Cela est certain. D'abord parce qu'ils n'en ont jamais emprunté aucun, et ensuite parce qu'il n'existait pas de livre imprimé en ce temps-là. Affectueusement vôtre, CLD. À Magdalene Millard. Christchurch, le 15 décembre 1875. Ma chère Magdalene, il faut que je vous explique pourquoi je ne vous ai pas rendu visite hier. J'ai été navrée de vous faire faux bond, mais voyez-vous, c'est que j'ai tenu tant de conversations chemin faisant. Je tentais d'expliquer aux passants que j'allais chez vous, mais ils ne voulaient pas m'écouter, disant qu'ils étaient pressés, ce qui était impoli de leur part. Finalement, je rencontrai une brouette et crus qu'elle m'allait prêter une oreille attentive, mais ne pus tout d'abord distinguer ce qu'elle contenait. Bientôt, il me sembla que c'était des traits. Alors, je les regardai à travers un télescope et m'aperçus que c'était une physionomie. Puis je regardais cette physionomie à travers un microscope et découvris que c'était un visage. J'eus l'impression que ce visage me ressemblait. Aussi allais-je chercher un miroir pour m'en assurer, et c'est alors qu'à ma grande joie, je découvris que c'était moi. Nous nous serrâmes la main et commencions tout juste de bavarder quand moi-même survins, me joignis à nous, et nous eûmes un entretien des plus plaisants. Je me dis... Vous rappelez-vous le temps où nous nous rencontrions tous à Sundown ? Et moi-même dis, nous nous y amusions fort. Il y avait une petite fille du nom de Magdalene. Et moi je dis, je l'aimais un peu. Pas beaucoup, voyez-vous, un peu seulement. Puis ce fut pour nous l'heure de prendre le train. Qui vint nous accompagner à la gare pour nous voir partir ? Vous ne le devinerez jamais. Aussi dois-je vous le dire. C'étaient deux excellents amis à moi qui se trouvent ici présentement et qui demandent la permission de signer cette lettre en tant que vos amis affectionnés. Lewis Carroll et C.L. Dodgson. À Adelaide Payne. Christchurch, Oxford, le 8 mars 1880. Ma chère Ada, n'est-ce pas là votre diminutif ? Adelaide, ce n'est pas mal du tout. Mais vous comprendrez que lorsqu'on est très occupé, on n'a pas le temps d'écrire des mots aussi longs que celui-ci. Surtout lorsqu'il faut une demi-heure pour s'en rappeler l'orthographe, et lorsque, dans ce cas même, il faut aller chercher un dictionnaire pour s'assurer que l'on n'a pas fait de faute. Or, bien entendu, le dictionnaire est rangé dans une autre pièce, tout au haut d'une grande bibliothèque où il se trouve depuis des mois et des mois, de sorte qu'il est tout couvert de poussière. Si bien qu'il faut aller chercher un torchon pour l'essuyer et qu'on manque suffoqué en procédant à cette opération. Et lorsqu'enfin l'on est parvenu à distinguer ce qui est dictionnaire de ce qui est poussière, encore faut-il se rappeler si c'est au commencement ou à la fin de l'alphabet que se trouve la lettre A, car on est à peu près certain que ce n'est pas vers le milieu. Puis il faut, avant de feuilleter les pages, s'aller laver des mains que la poussière a rendues méconnaissables. Et il y a bien des chances pour que le savon ait disparu, pour que le pot à eau soit vide et que la serviette de toilette soit absente. Pour que l'on passe des heures et des heures à chercher tous ces objets, après quoi il ne restera probablement pas d'autre solution que d'aller racheter une autre savonnette dans quelque boutique. C'est pourquoi, après tous ces ennuis, j'espère que vous ne verrez pas d'inconvénient à ce que j'abrège votre prénom et vous appelle ma chère Ada. Vous m'aviez dit dans votre dernière lettre que vous aimeriez avoir mon portrait. Le voici donc, si joint. J'espère qu'il vous plaira. Je ne manquerai pas de vous rendre visite l'avant-dernière prochaine fois que je viendrai à Wellington. Votre ami très affectionné, Lewis Carroll. À Winifred Stevens. Christchurch, Oxford, le 22 mai 1887. Ma chère Winnie, mais la lecture de cette longue lettre va sûrement vous fatiguer. C'est pourquoi je la termine et je signe. Affectueusement vôtre, C.L. Dodgson. Postscriptum, vous trouverez 6 juin deux exemplaires du croquet du château. Post-postscriptum, vous n'avez aucune idée de l'effort que ce fut pour moi d'écrire Winnie au lieu de Miss Stevens et affectueusement au lieu de votre dévoué. Post-post-post-scriptum. D'ici 2 ans, ou à peu près, j'espère bien trouver une occasion de vous emmener faire une promenade. Dès lors, je le crains, le temps aura commencé de dessiner des rides sur votre front d'albâtre. Que m'importe pourtant ? Une compagne d'âge vénérable nous rajeunit, nous autres, et je serais ravie d'entendre un chacun murmurer sur notre passage. Qui peut bien être ce jeune homme au visage si intéressant qui se promène en compagnie de cette vieille dame aux cheveux blancs comme neige en prenant soin d'elle comme si c'était son ? Post-post-post-post-scriptum, je n'ai pas le temps d'en dire plus. À eux. Le 30 novembre 1879. J'ai été ces temps derniers effroyablement occupé. Il m'a fallu écrire des monceaux de lettres, de pleine brouettée, pourrait-on presque dire. Et cela me fatigue tant que généralement je me recouche une minute après m'être levé. Il m'arrive même parfois de me recoucher une minute avant de m'être levé. Avez-vous jamais entendu parler de quelqu'un d'aussi fatigué que ça ? C'était Pages arrachées à Lewis Carroll. Une coproduction France Culture et le Théâtre de la Ville, enregistrée à l'Espace Cardin le 24 novembre 2018. Troisième épisode, avec Philippe Lodenbach, Jean-Paul Faré, Olivier Claverie, Élise Caron, Juliette Roudet, Emeline Bayard, Yvan Cory, Pierre-François Garel et Pauline Moulaine. Choix des textes, Pierre Sange, conseillère littéraire, Emmanuel Chevrière. Équipe technique, Benjamin Perru, Nicolas Depagraf. Assistante à la réalisation, Sophie Pierre. Réalisation, Cédric Ossire. Les textes lus étaient extraits de l'œuvre complète de Lewis Carroll, parue en 2 tomes chez Robert Laffont, dans la collection Bouquins, traduction Henri Parisot.